Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, une histoire. Johnny Westmiller, champion de natation et vedette de cinéma. Si vous voulez, ça a été le premier crawler moderne, au fond. Il avait la moitié du corps, si vous voulez, émergé hors de l'eau. Il crawlait, il avait un mouvement de jambes d'une souplesse qui affolait les nageurs du continent. Vous comprenez, jamais on avait vu un nageur comme Johnny Weissmuller. Le journaliste sportif Loïs Vanley se rappelle encore, des années plus tard, des exploits de Johnny Westmiller aux Jeux olympiques de Paris en 1924. Le nageur américain va remporter 3 médailles d'or à Paris. À la fois homme-poisson et homme-singe, Johnny Westmiller marquera l'histoire de la natation avant d'immortaliser le personnage de Tarzan au cinéma. Westmiller sera le premier Tarzan du cinéma parlant. C'est lui qui poussera pour la toute première fois le célèbre cri de l'homme-singe. Moi, je l'ai rencontré seulement une fois. C'était un dîner donné par Maureen O'Sullivan. Et je ne sais pas pourquoi, c'est tellement bête de notre part, mais parce qu'il a joué toujours le rôle de Tarzan où il faisait les bruits, et évidemment, on avait l'impression que c'était un monsieur qui ne savait pas parler. Et c'est tellement ridicule, les conceptions qu'on a des gens. Parce que c'était un homme intelligent, amusant, et il nous a raconté des histoires de la natation et tout. Mais moi, je le trouve un homme gentil et absolument opposé de l'image qu'il présentait lui-même sur l'écran. Johnny avait de la chance d'être Tarzan parce qu'autrement, je ne crois pas qu'il aurait dû faire une carrière cinématographique. Il y a des générations de jeunes qui vont... Et les gens de moyen âge qui vont avoir des larmes dans les yeux ce soir. Le réalisateur Terence Young, qui a entre autres réalisé de nombreux James Bond, en entrevue à France Inter au moment de la mort de Johnny Westmiller en janvier 1984, pour nous raconter l'histoire, le destin assez incroyable de Johnny Westmiller. J'accueille Pierre Dufault, qui a été animateur, journaliste pendant plus de 30 ans à Radio-Canada. Pierre Dufault, bonjour. Bonjour, Jacques. Merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi. On va donc essayer de faire le portrait en une vingtaine de minutes de ce colosse. Un parcours assez exceptionnel parce qu'il sera une grande vedette de cinéma avec Tarzan, mais c'est d'abord et avant tout un très, très grand nageur. Il y a des gens qui, aujourd'hui encore, Pierre Dufault, disent que Johnny Westmiller est le plus grand nageur de tous les temps. Évidemment, la natation a beaucoup changé, comme tous les sports, mais si on met les choses en perspective, comment il se compare à par exemple, aujourd'hui, à un Mark Spritz ou un Michael Phelps? Ben d'abord, son style qui n'est pas le même. Hein? Ouais. C'est un style particulier. J'ai appris, à ma grande surprise, que Westmiller, lorsqu'il nageait en compétition, tournait la tête pour respirer des deux côtés. Ce que je n'avais jamais vu, moi, dans tous les Jeux que j'ai couverts avec Jean-Marie Leconin, qui est championnat du Canada, olympique et Jeux du Commonwealth. Bref, tout ce que j'ai vu, j'ai jamais vu un nageur respirer des deux côtés. Ouais. Et ça m'a frappé. Et ça, c'est son entraîneur, hein, Bill Backrash, qui l'avait amené à faire ça. Et la raison pour laquelle il sortait de l'eau comme ça, c'est que pendant des années, il l'a obligé à s'entraîner, s'exercer, en ne se servant pas de ses jambes. Donc, il devait uniquement utiliser son thorax, sa poitrine, ses épaules, pour ça qu'il avait des épaules très larges, pour sortir de l'eau et, évidemment, réduire au maximum la résistance de l'eau. Ça explique ces temps remarquables qu'il a fait. Le premier à briser le 100 mètres en moins d'une minute. Donc, quand on parle de l'importance qu'il a eu en natation, puis je reviens un petit peu à cette comparaison, c'est difficile de faire de comparaison, mais ce qu'on peut dire quand on compare aux géants actuels, Phelps par exemple, c'est que Westmiller, à son époque, c'était ça. Il a un peu réinventé, révolutionné la natation. Mais comme on le dit pour Phelps maintenant. Exactement. Mais qui arrivera dans 12 ans là, pour dire que Phelps était comme ça alors que... Bon, alors tout change avec le temps et tant mieux. C'était un phénomène, Johnny Westmiller. Un phénomène, le mot n'est pas inutile. Ça décrit très bien ce qu'il était, de longues jambes, de bonnes épaules et une passion pour la natation. C'est tout ce qu'il connaissait, ce garçon-là. Ouais. Parce que si on regarde son passé, évidemment, sa naissance, et quand il a grandi aux États-Unis, d'abord en Pennsylvanie, d'un père mineur, il déménage à Chicago, son père est ivrogne, est un alcoolique, il bat sa femme, il bat ses enfants, il meurt de tuberculose alors qu'il n'a que 10 ans, le jeune Weissmuller. Ouais. Et c'est à 12 ans qu'il décide, parce qu'il aimait ça, de faire de natation. Et c'est là que Bill Backrash arrive dans sa vie. Et qui va être important, qui est une espèce de dictateur, finalement. Exactement. J'ai même pris le temps d'écrire ce qu'il lui a dit, parce que je ne veux pas le citer de mauvaise manière. Backrash dit au jeune Tarzan, il a 12 ans, « Oublie tout ça, pas d'excuses, pas de questions, obéissant en tout temps, tu seras un esclave et tu me maudiras. Mais à la fin, tu battras tous les records. » La ligne dure. Mais la ligne dure, et l'autre acceptait sans rechigner. Il avait aussi sa petite vie entre-temps. Il était ce qu'on appelait un groom, c'est-à-dire un chasseur, dans un hôtel de Chicago Plaza, parce que ses parents avaient déménagé à Chicago. Ouais. Et c'est là qu'il a fait sa vie et qu'il a rencontré Bill Backrash, parce que le médecin de la famille lui avait dit qu'il était faible des poumons et que sa poitrine n'était pas développée suffisamment. Et c'est là qu'on lui a dit « Fais de la natation, ça va t'aider. » Et arrive Bill Backrash, et c'est lui qui est l'auteur de ses succès. Et ça va, effectivement, ça va marcher, ça va le conduire au sommet, cet entraînement très, très dur qu'il aura. Le 9 juillet, c'est une première date importante, 9 juillet 1922. C'est important pour lui, mais c'est dans l'histoire de la natation, Pierre Dufault, une charnière, un moment marquant. Qu'est-ce qui se passe ce 9 juillet 1922? Bien, il a 18 ans. Hein? Bon, il est venu au monde en 1904, donc 22. Bon, ça fait bien 18 ans. Il n'y avait pas de nageur au monde qui avait réussi à nager les 100 mètres en moins d'une minute. Oui. Alors, il a nagé en 58,6 le 100 mètres. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, cependant, c'est en verge oui. à l'époque. Et on fait ensuite le calcul et on en arrive au mètre, qui est internationalisé, évidemment, oui. pour donner 58,6. 58 ça, secondes. C'est, ça, c'est jamais vu. Hein? Oui. Jamais vu, c'était inexplicable. Et on n'est pas aux Olympiques, là. Non, ça, pas c'est une compétition. C'est une oui, compétition exactement. Aux États-Unis. Donc, on est à 2 ans des Olympiques de Paris. Mais dans ces années, avant même d'arriver à Paris, effectivement, il brise ce mur de la minute à la Méda en 1922. Même chose, avant même, en 23 déjà, oui. le 400 mètres, là encore, il va oui. s'illustrer. Oui, oui. Évidemment, le 400 mètres, voyez-vous, c'est qu'à l'époque, aux Jeux olympiques, il n'y a pas de 200 mètres. Hein? Il y a le 100 mètres, le 400 mètres, et il y a le 4 fois 200 mètres relais par oui. équipe. Okay? Là, il était très fort. Il n'y avait pas 4 fois 100 mètres. Il n'y avait pas de 4 nages. Le papillon n'existait pas à l'époque. La nage la plus populaire au monde, la première au monde, était la brasse. Oui. Et ensuite est venu le crawl. Flappy lui donne une version française, on l'appelle le style libre. Oui. Mais même les nageurs parlent de crawl tout oui. le temps quand on parle de la nage libre. Donc 100 mètres à Alameda en 22, 58 secondes. En 23, le 400 mètres en moins de 5 minutes. Ça, ça aussi, c'est fort. C'est le premier homme qui réussit cet très exploit-là. Très fort, très fort. Arrive 1924, les Jeux de Paris. Ah. Il va éblouir les spectateurs qui vont se rendre à la piscine des Tourelles à l'occasion de ces Jeux de Paris. Parmi eux, on retrouve Louis Vanley, qu'on entendait au tout début de l'émission. Oui. Extrait du documentaire réalisé par Daniel Costel en 1976. Ah, Daniel Costel. Oui. Les Jeux olympiques reflètent de l'histoire. Il nous avait fait à tous les jeunes qui étions là, un effet prodigieux parce qu'il avait une aisance dans l'eau. Si vous voulez, ça a été le premier crawler moderne, au fond. Il avait la moitié du corps, si vous voulez, émergé hors de l'eau. Il crawlait, il avait un mouvement de jambes d'une souplesse qui affolait les nageurs du continent. Vous comprenez, jamais on n'avait vu un nageur comme Johnny Weissmuller. 59 secondes au 100 mètres nage libre, le premier en dessous d'une minute. Pour tous les spectateurs de la piscine des Tourelles, c'était un moment historique. Nous avons réussi à convaincre Johnny Weissmuller de revenir dans cette même piscine des Tourelles. Et le voilà. Oui, c'est lui, c'est Tarzan. I'm surprised. I didn't know the pool was that big. Je suis surpris, dit Johnny. Je ne me rappelais pas que la piscine était si grande. When you're in the Olympic Games, I don't think you get very tired. Vous savez, ce qui me frappe aussi dans mon souvenir, c'est qu'aux Jeux Olympiques, on n'était jamais fatigué. On vous disait, allez-y, et on y allait. Moi, j'aurais gagné toutes les courses, pas seulement le 100 mètres et le 400 mètres, mais on ne m'a pas engagé dans les autres épreuves. C'est dommage. Easy. C'était facile. If you win, it's always easy. Comment décrire cette performance historique de Johnny Weissmuller à Paris? Bill Backrash, on en parle un moment. Il possédait la science de la natation et du flair à revendre. Johnny n'a jamais rechigné. C'est lui qui parle. Oui. Et a exécuté toutes mes exigences. Pendant des mois, il a nagé sans jamais utiliser ses jambes. Puis, ayant atteint une position très haute de la tête dans l'eau, le jeune Weissmuller atteignait ainsi une forte alimentation en oxygène et une résistance à toute épreuve doublée d'une respiration inépuisable. Et ça, ça donne quoi la piscine des Tourelles à Paris? Cette performance olympique de 1924, comment la décrire, Pierre Dufaux? On ne connaît pas la science de la natation. Ouais. Les Jeux olympiques, là, en 1924, ça même pas le dixième de l'allure qu'on leur a donné depuis que la télévision s'en est mêlée. Hein. Ouais. Les Jeux de Paris, savez-vous qu'ils ont duré 4 mois au lieu de 2 semaines? On commençait au mois de mai, puis on terminait au mois d'octobre. Ouais. Tous les Jeux qui ont précédé ceux de Paris, même Amsterdam, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a réussi à ramener tout ça dans une période quand même qui... Bon, alors ils pouvaient nager une fois et pas nager pendant 2 semaines après. Ouais. Sauf qu'il y avait aussi des choses inexplicables, comme avoir, par exemple, un 100 mètres et un 400 mètres le même jour. Oui. Quand il dit, un peu en boutade, mais quand il dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, « J'ai remporté le 100 mètres et le 400 mètres parce qu'on m'a pas inscrit dans les autres compétitions, mais j'aurais tout remporté. » Oui, mais il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Ouais. Et parce que, d'abord... Mais c'est un tel nageur qu'il aurait pu effectivement tout rafler? Ben, c'est pas la même chose. Hein. Voyez-vous, le style libre s'apparente au papillon. Le papillon n'a été adopté aux Jeux olympiques que durant les fin des années 50, je pense 60. Les autres étaient là, la brasse étant la plus populaire, la plus nagée, si on veut, à travers le monde, et le dos étant évidemment une discipline assez facile. Il ne le faisait pas parce qu'il s'était concentré, grâce à son entraîneur, uniquement au style libre et de tout gagner ce qu'il y avait à gagner dans cette discipline. Il y a une chose qui va être marquante à Paris également, au-delà de ses performances, c'est, je pense qu'on peut dire que il y a beaucoup de spectateurs, beaucoup de femmes qui vont aller voir Johnny Weissmuller à la piscine des Tourelles. Est-ce que c'est pas, Pierre Dufaux, Weissmuller, la première grande vedette de la natation? Mais c'est-à-dire que oui et non. Il y en a eu d'autres de grands athlètes, et les noms ne me reviennent pas à l'esprit, là, dans d'autres disciplines, bien sûr, mais pas en natation. En natation, c'est certainement le premier, et il va le demeurer ainsi pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée de Mark Spitz. Il y a eu d'autres grands nageurs australiens, n'est-ce pas, et américains, mais évidemment, du fait que Weissmuller a continué une carrière qui est tout aussi populaire, celle du cinéma. Oui, exact. Les autres, à part de Les Barker, qui était le Tarzan qui l'a suivi, et Buster Crabbe, aussi un médaillé olympique, qui lui aussi a joué Tarzan. Oui. Alors, Weissmuller est assez unique dans son genre. Il va donc briller à Paris. Il brillera aussi à Amsterdam 4 ans plus tard. Deux à Amsterdam, oui. Et puis arrive donc ce passage, effectivement, au cinéma. On l'écoute, Johnny Weissmuller, raconter... Vous me permettez, Jacques? Oui. Parce qu'on a oublié, vous avez parlé des autres disciplines. Il a gagné une médaille de bronze en water polo. C'est vrai. Ça, personne ne le savait. Ça n'a rien à voir avec la natation. Évidemment, il faut savoir nager. Hein. Ouais. Du point de vue cardiovasculaire, le water polo est la discipline la plus exigeante au monde. Ouais. Encore aujourd'hui. Ouais. Et c'était à Paris. Alors, il a fait partie de l'équipe américaine, pourquoi pas? Ouais. Il a gagné une médaille de bronze et il en a gagné 4 en natation. Voilà. Donc, arrive sa carrière au cinéma. Comment se fait ce passage de la piscine et de la piscine olympique, en particulier au grand écran? On écoute Johnny Weissmuller raconter justement tout ça à l'émission That's Entertainment en 1974. Je voulais saluer mon ami Clark Gable au studio MGM, mais personne ne me laissait entrer. Un jeune garçon est arrivé et il a dit « Il y a 75 hommes qui font une audition présentement pour jouer le rôle de Tarzan. Vous devriez la faire et vous pourriez ainsi avoir accès au studio. » Alors j'ai fait l'audition. Un type m'a demandé si je savais courir et je lui ai dit « Bien sûr, tu peux grimper aux arbres, sans problème. Tu peux te balancer sur une liane, pourquoi pas? » Ensuite, j'ai pu entrer dans les studios pour voir Clark Gable et j'ai aussi rencontré Greta Garbo. I got to get on the studio and I met Clark Gable and I knew Greta Garbo and so and I was ready to go home and they called me over and they said a week later and they said you got the job as Tarzan. Une semaine plus tard, on m'appelle et on me dit que j'ai obtenu le rôle de Tarzan. Je me suis ensuite rendu à leur bureau où on m'a demandé mon nom. Je réponds Johnny Weissmuller et on me dit oh il va falloir changer ça. Mais pourquoi? Parce que ton nom sera sur les marquises. Mais c'est quoi une marquise? Personne ne va changer mon nom. Alors, un homme à côté de nous a dit en parlant de moi, « Savez-vous que cet homme détient tous les records de natation? » Alors, le type de la MGM a dit, « C'est merveilleux qu'il garde son nom et on le fera nager dans le film. » Il a dit, « Well, that's wonderful. Let him have his name and put some swimming in the picture. » Donc, il gardera son nom, Johnny Weissmuller, et il deviendra Tarzan pendant une vingtaine d'années. Ce rôle-là va marquer profondément toute une génération d'Américains. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de Johnny Weissmuller un grand Tarzan, Pierre Dufault? Ben, d'abord, on ne sait pas qu'il va devenir un grand Tarzan. Edgar Rice Burroughs, c'est un Américain qui a créé le personnage en 1908 et qui s'est donné une villa en Californie qui porte le nom de Tarzana. Et qui est devenue une ville assez importante quand même, grâce à Burroughs. Donc, en 1918, il publie son roman, Tarzan, l'homme singe. Et bon, alors on décide de faire un film et on ne sait pas trop qui. Et on dit, ben pourquoi pas lui? Il a tout ce qu'il faut pour représenter exactement ce que l'auteur a voulu de cet homme singe. Alors, il devient le premier Tarzan qu'il tourne en 1932. Ouais. Avec Maureen O'Sullivan, qui est une grande actrice britannique qui a fait plus de 35 films, hein, et de bons à part ça, avec des rôles très importants, et qui devient Jane. Ouais. Bon, Jane. Alors, il est comme l'ami, ou les, pas l'épouse, parce qu'ils ne sont pas mariés. Alors, il est là, elle est là dans la jungle, on lui donne un singe qui s'appelle Cheetah, et puis Maureen O'Sullivan fait les 5 premiers films avec lui. Se chicane continuellement. Ouais. Il s'en... D'abord, il a un langage, un vocabulaire très limité. Ce qu'on voit à l'écran, c'est véritablement l'homme réel, l'homme de la rue, avec un vocabulaire très, très, très limité. Et il tourne 5 films, puis après 5, elle dit « c'est suffisant, j'en ai assez », elle fait d'autres films. Et là arrive Brenda Joyce, qui, elle, va en faire 6 avec lui. Alors, les 11 films qu'il a fait avec le mot « Tarzan ». En tout et partout, je dois vous dire, Jacques, j'ai fait une petite recherche, il y a 39 films qui ont comme premier mot « Tarzan ». Tarzan et, Tarzan ouais. et. Ouais. 39 en Incroyable. Tout, là. Ouais. Alors, parce qu'il n'y a eu d'autres à part lui. Oui, ben Weissmuller, en fait, sera le premier Tarzan du cinéma parlant. Et évidemment, oui, quand on parle de cinéma parlant et de Tarzan, on parle du fameux cri de Tarzan. Il était d'origine allemande et il y avait en Pennsylvanie une assez forte colonie d'origine allemande et périodiquement, il y avait des concours de yodeling, c'est-à-dire du cri alpin. Et il gagnait tout le temps. Et quand on lui a proposé de faire Tarzan, parce que Johnny Weissmuller était le fameux champion olympique, c'était un prestigieux, extraordinaire. Et on avait préparé les bruiteurs, un cri extrêmement compliqué, en mixant différents bruits, cris d'animaux, il y avait des cris de hyènes, de lions, sorte d'affaire. Et quand il a entendu ça, il a dit mais moi je peux le faire tout seul. Et il a poussé son cri et ça a été extraordinaire, tant et si bien qu'on a continué à utiliser son cri sur les films suivants, même quand ça n'a plus été lui qui faisait Tarzan. Le documentariste Alain Dex, auteur du film Anatomie de Tarzan, à l'émission Indicatif présent 97 au micro de Marie-France Bazot, vous alliez dire, il y a toutes sortes de légendes qui tournent autour de ce cri-là. Le cri, là, c'est du Tyrol, hein, c'est de là que ça vient, ce qu'on appelle... Donc c'est vraiment lui qui oui, le fait ah, seul. Ben absolument, absolument. Ouais. Oui, mais le cri original, on parlait du yodeling, là, ouais. ça remonte au temps du Tyrol, de la Suisse et du sud-ouest de l'Autriche. Enfin, c'est une longue histoire, là, mais c'est de là que vient origine le mot, le cri célèbre de Tarzan. Mais c'est cocasse de penser, en écoutant cet extrait, que les bruiteurs à Hollywood sont en train de se dire comment on peut faire un cri, puis lui leur dit « je vais vous faire ça comme ça tout seul, moi ». C'est ce qui s'est passé. C'était un garçon très intelligent hein? ouais. et très enjoué. C'est un homme qui faisait rire, il avait un sens d'humour incroyable. Et quand il a terminé sa carrière, genre, il a donné des spectacles de natation, il faut le faire. Ah hein? bon? C'est pas n'importe quoi quand même. Et c'est comme ça que BVD, la compagnie BVD, des sous-vêtements, est venu le chercher pour promouvoir non seulement Tarzan, mais leur produit en disant aux acteurs et aux studios de cinéma, si vous utilisez nos maillots, parce que Tarzan les avait rendus célèbres forcément, Tarzan recevait 500 $ pour chaque acteur qui en portait un. Et ça a été porté ensuite à 2000 $ par acteur parce que plusieurs le faisaient. Tarzan était devenu comme la coqueluche de tout le monde. Ouais. Et tout le monde voulait avoir un maillot signé BVD parce que c'était celui de Tarzan. Ouais. C'est une belle petite histoire quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? On termine sur Tarzan. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Pierre Dufault? Vous êtes de cette génération qui a connu les Tarzans. Voilà. Ben, j'ai connu les Tarzans à partir du milieu des années 40. Moi, je suis natif de 1934. Donc, ça faisait déjà 2 ans qu'il avait commis, tourné son premier film. Son deuxième, c'était, je pense, en 34. Il en a fait, en tout, si mes calculs sont bons, il en a fait, je pense, 11 ou 12, ouais, avec le nom de Tarzan. Il a aussi fait Jungle Jim. Ouais. Et là, il a remplacé le maillot par des vêtements d'un aventurier. Et il a continué comme ça, si bien qu'il a fait fortune avec ça. Il s'est marié 6 fois. Il a eu 5 divorces. Il a eu 3 enfants avec sa 5e femme. C'était un homme qui était toujours occupé, qui ne cessait pas de bouger, de faire rire le monde, de nager. Et ses succès sont remarquables. Moi, ce que je me souviens de lui, parce que j'étais petit garçon, moi, il y avait Buck Rogers dans le temps, puis il y avait Flash Gordon, puis il y avait bien d'autres des super-héros. Des acteurs de jeunes à l'époque. Et Tarzan en était un, bien sûr. Ce qui était agréable avec Tarzan, c'est qu'on savait qu'après le film qu'on venait de voir, qu'il y en aurait un autre. Ouais. Parce que c'était une série, et même les producteurs ne savaient pas que ça allait avoir le succès que ça a connu. Hein. Mais durant la période des années 30, Jacques, on est en dépression, hein. Ouais. Ça va mal. Et ce qui est populaire, c'est le cinéma et la radio. La radio a des codes d'écoute extraordinaires. Et le cinéma, écoutez, vous allez là pour 25 cents. L'évasion, on a besoin de ça aussi. Exactement. Alors, le cinéma prenait beaucoup, beaucoup de place. On cherchait des héros. Tarzan est arrivé comme comme une espèce de bombe pour tout le monde, pour nous faire oublier nos misères. Ouais. Il meurt en 84, oui, 79 au Mexique, ans. À Acapulco. Les dernières années, vous avez parlé un petit peu de ses activités de promotion, il va donner des spectacles de natation, mais c'est une fin un peu... Il y a un déclin, c'est une fin oui, un peu à la triste. Fin, oui. Il a été un homme occupé presque toute sa vie. Oui. Hein? Presque toute sa vie. Les femmes, c'était d'abord sa première passion. C'était pas un buveur, contrairement à son père qui était un alcoolique, dangereux, qui était violent même. C'est un homme qui ne pouvait pas imaginer ce qui lui arrivait. C'était comme un gâteau, un cadeau du ciel qui lui arrivait. Ouais. Et Bill Bracknell, évidemment, qui l'a entraîné, c'est pour ça qu'il était si réceptif à ses commandes. Et quand je dis commandes, ce sont des ordres, sinon ça ne va pas. Hein? Ouais, ouais. Alors, quand il arrive à Paris, il découvre une ville, donc, bon, et peut-être la ville du siècle à l'époque, à travers le monde. Paris obtient les Jeux parce que le baron Pierre de Coubertin, qui est président du Comité international olympique, veut faire amende honorable parce que les premiers Jeux en 1900 avaient été un fiasco total. Oui. Alors, il a demandé d'avoir les Jeux pour 24 alors qu'il avait déjà été accordé à Amsterdam. Et Amsterdam a accepté d'attendre en 1928. Et ils ont donné les Jeux à Paris. Pierre de Coubertin, ne sachant pas évidemment que Denis Suvénant en mettra à la porte, parce qu'il était anti-Jeux d'hiver et anti-femme athlète. Imaginez, le patinage artistique, le sport d'hiver, a été présenté aux Jeux d'été à Londres en 1908. Et le Canada a gagné sa première médaille d'or au hockey à Anvers aux Jeux d'été en 1920. Pierre Dufaux, animateur, journaliste à la retraite. Il a été chez nous pendant plus de 30 ans. Merci infiniment d'être passé nous voir. Tout le plaisir était pour moi. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.